Dans une aube de craie, sous la lune de sang, au terme d'un hiver amourant. Être émergé du silence, voir briller au soleil les givres de mon cœur, présage d'un printemps meilleur. Être le fruit et la semence dans un sol épuisé et fleurir en exil comme un arbre éclaté. Apprendre à me connaître, garder les yeux ouverts et n'être rien qu'un être de chair. Aimer jusqu'à la mort et au-delà. Séparer du corps pour aimer jusqu'à la mort, même au-delà encore. Être échapper au chantage de tous les lieux communs. Geste qui engage l'avenir repensé, artisan du retour au simple rituel d'amour. Être, mourir pour mieux. Oh.